Le mystère de Fernwood par Marie-Elisabeth Braddon. Chapitre 1er. Non, Isabelle, il ne me semble pas que Lady Adela ait bien chaudement appuyé l'invitation faite par son fils. C'était la troisième fois en une heure que ma tante faisait cette réflexion. Nous étions assises l'une en face de l'autre, dans un wagon de première classe de l'express d'York, et le vaste champ de blé presque mûr fuyait autour de nous comme des ombres jaunissantes sous le soleil d'une chaude après-midi. Nous allions faire une visite à Fernwood, maison de campagne située à 20 000 d'York, pour que je puisse faire connaissance avec la famille de Mr. Lewis Wendale, dont je devais épouser le fils unique appelé Lawrence. Lawrence et moi, nous nous étions connus que pendant 2 mois à peine, lors de la première année de mon séjour à Londres. Orpheline et seule héritière d'un riche négociant de Calcutta, je demeurais chez ma tante, Madame Madison Trevor, l'éblouissante veuve d'un major des Life Guards, et l'unique sœur de feu mon père. Madame Trevor avait fait maintes objections à cette courte liaison de 6 semaines entre Lawrence et moi. Mais l'impétueux jeune homme du comté d'York avait écarté tous les obstacles. « Que pouvait-on objecter ? » disait-il. « Il devait avoir un revenu annuel de 2 000 livres et la propriété de Fernwood à la mort de son père, sans compter 40 000 livres d'une tante non mariée, aussitôt qu'il aurait atteint sa majorité, car mon jeune et impétueux prétendu n'avait pas encore 21 ans. Quant à sa famille, ma tante n'avait qu'à ouvrir le livre héraldique de Bjork, prêtre édifié sur les Wendale de Fernwood. Sa mère était Lady Adela, la plus jeune des filles de Lord Kingwood, du château de ce nom, dans le comté de Kildare. Quelle objection pouvait donc faire ma tante ? Sa famille ne me connaissait point, alléguait-elle, et pouvait ne pas approuver cette union. Lorraine se mit alors à pousser un de ces longs éclats de rire, joyeux et sonores, que j'aimais tant à entendre. « Ne point approuver mon mariage, s'écria-t-il, ne point chérir ma petite Isabelle, la bonne plaisanterie. » Et sur ce, arriva immédiatement une invitation à Fernwood, à laquelle étaient jointes quelques lignes de Lady Adela Wendale. C'était précisément à ce billet que ma tante ne se lassait pas de faire des objections. Il était froid, sec et contraint, disait-elle. Il n'avait écrit que pour contenter Lawrence. Combien peu d'attention je faisais à cette lettre. Et cependant, c'était la première et vague indication de ce terrible écueil contre lequel devait se briser mon existence. Le premier anneau de la chaîne de ce grand mystère dans lequel tant de destinées étaient enveloppées. La lettre était froide, c'était évident. Lady Adela commençait par nous déclarer qu'elle aurait le plus grand plaisir à nous voir et qu'elle brûlait d'impatience de faire la connaissance de sa belle-fille. Puis ensuite, elle nous disait combien était triste le séjour de Fernwood et qu'elle craignait bien que nous ne soyons fâchés d'avoir entrepris ce long voyage dans le centre du comté de York pour séjourner dans une maison solitaire où nous ne devions rencontrer qu'un valétudinaire susceptible, 2 femmes nerveuses et un jeune homme dont tout le temps se partageait entre les travaux de la ferme et les plaisirs de la chasse. Mais je ne redoutais point la tristesse là où était mon adoré Lawrence. Aussi, j'eus bientôt fait justice de toutes les objections de ma tante, commandé 1/2 douzaine de toilettes neuves et poussé Madame Madison Trevor vers la gare du Great Northern avant qu'elle eût le temps de me faire d'autres remontrances. Lawrence était parti en avant afin de s'assurer que tout était préparé pour nous recevoir et avait promis de venir à notre rencontre à York et de nous conduire de là à Fernwood dans son phaéton. Il était debout sous la galerie lorsque le train entra en gare, le soleil se jouait dans les boucles de ses cheveux et ses grands yeux bleus rayonnaient de vie et de bonheur. Lawrence était très beau, mais son plus grand charme consistait peut-être dans cette étonnante vivacité, cette énergie infatigable et cette indomptable volonté qui le distinguait de tous les autres jeunes gens que j'avais rencontrés jusqu'alors. Cette surabondance de vitalité était si grande chez lui que par une sorte d'influence magnétique, elle semblait se communiquer aux autres. Je n'étais jamais fatigué lorsque Lawrence était près de moi. C'était avec lui que je pouvais valser le plus longtemps, faire les plus longues promenades à cheval, écouter un opéra, ou examiner une galerie de tableaux avec le moins de fatigue. Sa présence remplissait toute une maison, son rire franc et joyeux résonnait partout. il semblait que là où il était, la tristesse ne pût pénétrer. J'éprouvais plus que jamais cette douce influence à mesure que nous approchions de Fernwood. La campagne était morne et nue. De larges marécages s'étendaient des deux côtés de la route déserte que nous suivions. Le soleil de l'après-midi s'était caché, laissant derrière lui un ciel froid et gris, chargé de gros nuages couleur de plomb, qui semblaient peser sur le paysage et borner le sombre horizon. Mais l'influence du point de vue ou de l'atmosphère ne pouvait affecter Lawrence. Cet après-midi-là, il était encore de meilleure humeur que d'habitude. « On a préparé pour vous, mesdames, les chambres aux boiseries de chêne, » dit-il. « Des chambres bien solennelles et bien imposantes, avec leurs grands lits à baldaquins couronnés de panaches funéraires, leurs sombres boiseries en chêne, leurs portraits des Wendale morts et enterrés. Madame Aurora, en robe à panier, une houlette de bergère à la main. Madame Lydia, coiffée à la Sévigné, avec un collier de perles. Mortimer Wendale, en perruque à la Ramillies. Théodore, frisé comme un chérubin, en pourpoint de velours et en botte à l'espagnol. Il y en a une véritable collection. Attendez-vous à les voir quitter tous leurs cadres la nuit à l'heure des sorcières et venir échauffer leurs doigts glacés au charbon de votre foyer. Votre arrivée connue d'avance a fait événement dans notre vieille et triste demeure. Ma mère a quitté une douzaine de fois son troisième volume du dernier roman qu'elle s'est procuré chez Muddy pour s'informer si tout était prêt. Et depuis le déjeuner, ma chère, active, patiente et infatigable sœur Lucie, n'a fait que courir à droite et à gauche pour inspecter tous les préparatifs. « Votre sœur Lucie, » m'écriai-je, saisissant en vol ces derniers mots, « je l'aimerais bien, Lorenz. »« Je l'espère, ma chère enfant, » reprit-il d'un ton presque sérieux, « car elle a été pour moi la plus tendre et la meilleure des sœurs, et cependant je suis presque effrayé. Lucie a 10 ans de plus que vous. Elle est sérieuse, réservée, mélancolique parfois. Mais s'il n'est jamais eu sur cette terre un ange proscrit, revêtu d'une forme humaine, certes, ma sœur Lucie est cet ange gardien. Vous ressemble-t-elle, Lorenz ? À moi ? Oh non, pas du tout. Vous savez, nous ne sommes frères et sœurs que par mon père. Et elle ressemble à sa mère qui est morte jeune. » Comme il disait cela, nous arrivions aux portes de Fernwood, immense porte en bois, avec des piliers en pierre dégradée et couverts de mousse. Une loge qui tombait en ruine servait d'habitation à une femme d'apparence misérable. Ses enfants jouaient dans un carré de terre planté de choux et de groseilliers, entouré d'une palissade vermoulue et décoré du nom pompeux de jardin. En face de cette entrée s'étendait une avenue longue d'un demi-mille environ, à l'extrémité de laquelle un grand manoir en briques rouges, construit dans le style Tudor, semblait nous regarder avec plus de défiance que de bienvenue. Le parc était complètement inculte. Les arbres étaient étouffés par les ronces. La fougère envahissait les longues allées, coupées çà et là par des mares d'eau croupissantes, dont les fonds tranquilles étaient seulement troublés par le battement des ailes du héron et le triste coassement des grenouilles. Lady Adela avait raison. Fernwood était un triste séjour. Je pus à peine réprimer un frisson à mesure que nous avancions dans la sombre avenue. Quant à ma pauvre tante, on pouvait entendre ses dents claquer. Habitué à passer les 3/4 de l'année à Hounslow Square et les mois d'automne à Brighton ou à Hyde, ce sombre manoir du comté de York était une rude épreuve pour l'extrême sensibilité de son système nerveux. Lorraine sembla deviner le motif de notre silence. « La propriété est affreusement négligée, Madame Trevor, » dit-il sous forme d'excuse, « mais je vous assure que je ne laisserai pas subsister cet état de choses. Avant d'amener ma mignonne petite Bella à Fernwood, je ferai venir des jardiniers et tapissiers, afin de convertir ce morne désert en un paradis terrestre. Je ne puis vous dire la cause de cet abandon. Ce n'est certes pas faute d'argent, encore moins d'occasion, car mon père était un homme oisif, à qui les travaux et les réparations devaient fournir un agréable passe-temps. Non, en vérité, je ne vois réellement pas pourquoi on a ainsi négligé ce domaine. » C'était plutôt à lui-même qu'à nous que ces dernières paroles s'adressaient, et comme s'ils avaient été une réponse à une longue série d'idées qui se pressaient dans son cerveau. Puis il devint silencieux et retomba dans une tranquille rêverie. J'examinais son visage avec curiosité, car je lui avais rarement vu la physionomie aussi pensive. Reprenant peu à peu son ton habituel, il dit « À présent, mesdames, que vous touchez au seuil de Fernwood, je dois peut-être vous avertir de l'état d'abattement dans lequel vous trouverez notre famille. Avec tous les éléments de bonheur, il semble qu'un nuage sombre nous enveloppe sans cesse. Du plus loin que je me souvienne de mon pauvre père, il a toujours baissé peu à peu de même que ce vieux manoir. Il se mine tous les jours. Et maintenant il est malade, sans avoir positivement une maladie. Ma mère passe sa vie à lire des romans, et n'existe qu'au moyen de sel et d'eau de Cologne. Ma sœur, la seule personne active de la maison, est toujours pensive et quelquefois mélancolique. Remarquez que je ne vous dis ces choses-là que pour vous préparer au spectacle qui vous attend, et non dans l'intention de vous alarmer, car vous pouvez compter que je ferai tous mes efforts pour régénérer cette famille attristée qui se laisse abattre par un excès de bonheur et le manque d'inquiétude. » Comme Lorenz finissait de parler, la voiture s'arrêta devant un large perron en pierre, et 5 minutes après, ma tante et moi, avec son aide, étions descendus du phaéton et présentés à Lady Adela et à Madame Lucy Wendale. Nous trouvâmes Lady Adela, comme son fils nous en avait prévenu, plongée dans la lecture d'un roman. Elle quitta son livre lorsque nous entrâmes et s'avança vers nous avec beaucoup d'empressement, comme si elle nous fût réellement reconnaissante d'être venue la distraire de sa vie solitaire. « Comme vous êtes bonne d'être venue, » me dit-elle en me pressant entre ses bras maigris, avec une étreinte presque maternelle. « Et c'est bien aimable à vous aussi, Madame Trevor, d'avoir abandonné tous vos plaisirs de la ville pour m'amener cette chère enfant. Croyez-moi, nous ferons tout notre possible pour rendre votre séjour ici agréable, si toutefois vous pouvez vous habituer à une société fort restreinte. Car depuis l'enfance de mon fils, nous n'avons reçu personne, et je ne pense pas que je puisse compter plus de 5 ou 6 noms sur ma liste de visiteurs. » Lady Adela était une femme à la tournure élégante, à la fleur de l'âge, mais son visage, encore beau, était maigre et flétri. Des rides prématurées se dessinaient autour de ses mélancoliques yeux bleus et de sa bouche pensive. Tandis qu'elle parlait à ma tante, Lucie et moi nous nous rapprochâmes. La sœur de Lorenz n'était pas jolie. Pâle et maladive, elle avait les cheveux noirs et les yeux gris et presque tristes. Il semblait que quelque chagrin secret eût, depuis sa plus tendre jeunesse, éteint le feu de cette existence. Un chagrin profond, qui, loin de disparaître ou de s'oublier avec les années, n'avait fait que grandir et se fortifier à mesure qu'elle se développait, jusqu'à devenir une partie d'elle-même. Une affection déçue, pensais-je, un coup terrible, qui avait détruit le premier rêve de la jeune fille, et dont le cœur brisé de la femme devait souffrir éternellement. Dans ma complète ignorance de la vie, je croyais que c'était là les seules douleurs qui puissent désoler l'existence d'une femme. « Il faudra tâcher d'être bien heureuse à Fernwood, Isabelle, » me dit Lucie avec douceur, en me faisant asseoir à côté d'elle, tandis que Lorenz, penché au-dessus de nous, nous considérait avec tendresse. Je ne crois pas, malgré tout son amour pour moi, que Lorenz m'ait jamais autant aimé que cette sœur au pâle visage. N'est-ce pas que vous tâcherez d'être heureuse, chère Isabelle ? Lorenz vient de dresser la plus jolie jument baie de tout le comté, afin que vous puissiez explorer le pays avec nous. J'ai su quelle intrépide Amazone vous êtes. Pour vous, on a fait accorder les pianos et recouvrir le billard afin que vous puissiez vous distraire les jours de pluie. Et si nous ne pouvons vous présenter beaucoup de monde, nous ferons tout notre possible pour éloigner de nous la tristesse. Je serai très heureuse ici auprès de vous, chère Lucie, dis-je. Mais pourquoi tant me parler de la tristesse de Fernwood, tandis que sans doute vous devez y avoir bien des souvenirs qui vous rendent cher ce vieux manoir. Pendant que je parlais, elle baissa les yeux et une légère rougeur vint atténuer la pâleur de son visage maladif. « Je n'aime pas beaucoup Fernwood, » dit-elle d'un ton grave. C'était donc à Fernwood qu'elle avait éprouvé le grand chagrin qui tourmentait sa vie, pensais-je. « Voyez-vous, Lucie, » reprit Lorenz avec un ton presque impatient, « chacun sait que ce triste séjour vous tue lentement, et pourtant rien au monde ne saurait vous le faire quitter. Lorsque nous allons tous à Scarborough ou à Burlington, quand ma mère fait un tour à Harrogate, toutes les fois que moi-même je pousse jusqu'à la capitale, afin de secouer un peu la poussière de provincial et de voir de quoi se compose le monde au-delà de ces tristes portes. Vous vous obstinez à rester à la maison, sous le seul prétexte qu'il faut que vous preniez soin de votre pauvre malade, Monsieur Thomas. » Je tenais la main de Lucie dans la mienne, et je sentis trembler ses doigts amaigris aux paroles de son frère. Ma curiosité était fortement excitée. « Monsieur Thomas, » m'écriai-je presque involontairement. « Ah, c'est vrai, Bella. J'ai oublié de vous parler de ce membre de notre famille, mais comme je ne l'ai jamais vu, on peut me pardonner cette omission. Monsieur Thomas est un parent peu fortuné de mon père, un malade condamné toujours à l'ité, n'est-ce pas, Lucie ? Et qui réclame autour de sa personne un homme robuste et une garde expérimentée. Il occupe l'étage supérieur d'une aile de la maison. Ce pauvre Thomas, tout malade qu'il est, doit cependant avoir une grande puissance de fascination. Ma mère se rend chez lui tous les jours, aussi furtivement que s'il allait rendre une visite clandestine à un criminel condamné. J'ai souvent rencontré mon père, qui sortait de ses appartements, pâle et abattu. Et quant à ma sœur Lucie, son attachement pour le pauvre malade est tel que, comme je viens de vous le dire, rien ne saurait l'obliger à sortir de la maison tant elle craint que sa garde ou son valet de chambre n'aient pas pour lui toutes les attentions nécessaires. Je tenais encore la main de Lucie, mais elle ne tremblait plus. Ce parent sans ressources, ce malade à la charge de sa famille, jouait-il donc un rôle dans le sombre mystère qui planait sur l'existence de cette jeune femme? Et pourtant non, cela ne pouvait être, me dis-je, car elle avait le plus grand sang-froid, en répondant à son frère. Ma vie entière s'est peu à peu réduite aux soins que je donne à ce pauvre jeune homme, Lawrence, et je ne quitterai jamais Fernwood tant qu'il existera. Un jeune homme, mais ce Thomas était donc un jeune homme. Lucie elle-même nous conduisit, ma tante et moi, aux jolis appartements qui avaient été préparés pour nous. La chambre de Madame Trevor était séparée de la mienne par un corridor, sur lequel donnaient deux cabinets de toilette et un charmant petit boudoir, ayant vue sur le parc. Ma chambre était située tout à fait à l'extrémité du bâtiment. Elle avait deux portes, dont l'une s'ouvrait sur le corridor et l'autre sur une galerie qui s'étendait sur toute la façade de la maison. En jetant les yeux vers cette galerie, je m'aperçus que l'aile opposée était fermée par une double porte. Je l'examinai curieusement. C'était sans doute la barrière qui séparait du monde extérieur le mystérieux parent de Lawrence. Lucie nous quitta aussitôt que nous fûmes, ma tante et moi, installés dans nos appartements. Comme je faisais ma toilette pour le dîner, la femme de charge, personne forte et d'un âge mûr, vint me demander s'il ne me manquait rien. « Comme vous n'avez point amené votre femme de chambre avec vous, me dit-elle, Mademoiselle Lucie m'a chargée de mettre la sienne à votre entière disposition. » Le service personnel de Mademoiselle Lucie est de si peu d'importance que Sarah a bien du temps à elle, et c'est une excellente créature. Je lui répondis que je n'avais besoin de personne, mais avant de la congédier, je ne pus résister au désir de lui adresser une question concernant le malade mystérieux. Est-ce que les appartements de M. Thomas se trouvent à cette extrémité de la maison ? Demandai-je. Cette femme me regarda d'un air presque effrayé, puis elle reprit après un moment de silence. « Est-ce que M. Lawrence vous a parlé de M. Thomas ?» me demanda-t-elle d'un air inquiet. « M. Lawrence et sa sœur m'en parlaient précisément tout à l'heure. »« Oh, en vérité, mademoiselle, » reprit cette femme avec un accent plus rassuré, « les appartements de ce pauvre monsieur sont au bout de cette galerie. Y a-t-il longtemps qu'il demeure ici ?» demandai-je. « Mais environ depuis 20 ans, je présume. Ce doit être un de leurs parents éloignés ?»« Oui, mademoiselle. » C'est très beau de la part de votre maître de l'avoir soigné si longtemps et de lui procurer un tel bien-être. Mon maître est un excellent homme, mademoiselle. Bien que cette femme semblât résolue à me donner le moins de renseignements possible, je ne pus résister à lui adresser une dernière question. Comment se fait-il que depuis tant d'années, M. Lawrence n'ait jamais vu son parent, dis-je? Cette question parut embarrasser la femme de charge plus que toutes les autres. Après avoir rougi et pâli, elle répondit avec hésitation. « Le pauvre monsieur ne quitte jamais sa chambre, mademoiselle. Et puis le caractère de M. Lawrence est si gai. Dieu le bénisse de tout mon cœur. Sa nature est si joyeuse et si bruyante que sa société ne convient guère à un malade. » Il était évidemment inutile d'essayer d'obtenir d'autres renseignements, de sorte que j'y renonçais, et souhaitant le bonjour à la femme de charge, je me mis à me coiffer devant la lourde glace encadrée de bois de chêne. Le plus simple de tout ceci, me dis-je, c'est de n'y pas songer davantage. J'ai voulu voir Mystère dans un arrangement de famille des plus naturels. Mais Wendale, un parent impotent, trop pauvre et trop abandonné pour se soigner avec ses propres ressources. Quoi donc de plus naturel que de lui accorder l'hospitalité dans ce vieux château assez vaste pour loger un régiment entier? Je trouvai la famille rassemblée au salon. M. Wendale présentait les restes d'un bien bel homme. Dans sa jeunesse, il avait dû ressembler à Lawrence. Mais ainsi que me l'avait dit celui-ci, il semblait que le château, les parcs et le châtelain lui-même fussent tombés en décadence ensemble. Mais malgré le mauvais état de sa santé, notre hôte nous reçut parfaitement et fit les honneurs de sa table avec la grâce et l'aisance d'un parfait gentilhomme. Après le dîner, ma tante et Lady Adela s'assirent auprès d'une fenêtre et causèrent, tandis que Lawrence, Lucie et moi, nous allâmes sur un long balcon en pierre, en dehors du salon, regarder les derniers rayons empourprés du soleil couchant d'août se fondre en bandes rouges, reflétées par les eaux des étangs cachés dans les broussailles. Nous étions heureux tous trois. Lawrence et moi, nous jasions de mille sujets divers, racontant à Lucie nos aventures de Londres, lui faisant le portrait de nos amis à la mode, lui parlant de nos courses en voiture et de nos promenades à cheval, de nos fêtes, de nos bals et de nos dîners. Et elle, avec un sourire sur les lèvres, nous écoutait avec une patience presque maternelle. « Il faut que je vous fasse visiter le vieux château demain, Isabelle, » me dit Lawrence dans le courant de la soirée. « Je suppose que Lucie ne vous a point dit qu'elle vous avait logé dans la chambre en revenant ?»« Non, certainement. » « N'écoutez point cet enfant terrible, ma chère Isabelle, » ajouta Mademoiselle Wendale. « Fernwood, comme tous les vieux châteaux, a son histoire de revenant. Mais comme personne, même du vivant de mon père, n'a aperçu le fantôme, vous devez bien penser qu'il n'est pas bien à craindre. » « Mais vous avouez qu'il y a un fantôme ?» m'écriai-je vivement. « De grâce, racontez-moi son histoire. »« Écoutez, Bella, » reprit Lawrence, « et sachez quelle visite vous recevrez à l'heure où les cloches de l'église de Fernwood, cachées là-bas dans les ormes, sonneront l'heure de minuit. » Un certain Sir Humphrey Wendale, qui vivait du temps de Henri VIII, fut trompé par sa femme, qui était fort belle. S'il se fût conformé aux usages ordinaires de l'époque, il eût égorgé sa femme et son rival, mais notre ancêtre était d'un esprit plus original, et il trouva, par conséquent, une manière de se venger plus originale aussi. Il renvoya jusqu'au dernier domestique de Fernwood, et un beau matin, tandis que la malheureuse femme était encore endormie, il ferma toutes les portes du château, emboucha toutes les issues, tant au-dedans qu'au dehors, puis il s'éloigna tranquillement à cheval, laissant sa femme mourir lentement dans les horribles tortures de la faim. Fernwood est bien encore à ses déserts aujourd'hui, Dieu le sait, mais il l'était encore bien davantage dans ce temps-là. De temps à autre, un voyageur a bien pu jeter un regard vers les cheminées sans fumée qu'on apercevait au milieu des arbres en passant le long de la clôture du parc. Mais pas un seul n'a jamais pu penser que ce manoir abandonné contenait une habitante infortunée. 15 mois après, Sir Humphrey, de retour d'un voyage à l'étranger, éprouva quelques difficultés à ouvrir la porte de la chambre que vous devez habiter. Le squelette de sa femme était étendu sur le seuil. « Quelle horrible histoire ! » m'écriai-je avec un frisson. « Ce n'est qu'une légende, ma chère Isabelle, » dit Lucie, comme toutes les traditions, exagérées et altérées dans des proportions convenables à l'horreur poétique. De grâce, ne laissez point votre esprit s'arrêter sur une fiction semblable. J'aime à croire en vérité que ce n'est qu'une fable, répondis-je. Mais pourquoi aime-t-on à mêler les histoires terribles et mystérieuses à celles des anciennes familles? Et malgré tout, nous ne rencontrons jamais de ces mystères de famille de nos jours. Je dormis profondément cette nuit-là, Fernwood, sans avoir été troublé par l'ombre de Sibyl Wendale, l'épouse infortunée de Sir Humphrey. Le soleil faisait miroiter les panneaux de chêne de ma chambre, et les alouettes chantaient dans l'azur d'un ciel sans nuages, lorsque je m'éveillais. Je trouvais maintenant tout à fait revenu de ses préventions à propos de notre visite. Lady Adela est une femme fort agréable, me dit-elle, froide peut-être, un trop degré, mais ayant cet air de bonne compagnie qui a toujours beaucoup de charme. Lucy Wendale me paraît une excellente personne, quoiqu'ayant trop les allures d'une vieille fille. Elle vous sera d'une grande utilité lorsque vous serez mariée. C'est-à-dire en admettant que vous ayez jamais à gérer cette immense propriété qui, nécessairement, sera votre partage à la mort de ce pauvre monsieur Wendale. » Pour ma part, j'étais aussi heureuse à Fernwood que les journées d'août étaient longues. Lucie montait admirablement bien à cheval, c'était la seule distraction qui lui plut, et un attachement réciproque régnait entre elle et ses chevaux. Lorraine, sa sœur et moi étions donc constamment dehors ensemble, gravissant à cheval les coteaux qui entouraient Fernwood et explorant les environs à 20 000 à la ronde. À la maison, Lucie nous laissait bien souvent seule. Elle était l'âme du logis, et sans elle, tout fut certainement tombé en ruine. Lady Adela lisait des romans, ou bien faisait de temps en temps quelques efforts de conversation pour amuser ma tante. M. Wendale gardait la chambre la plus grande partie de la journée, tandis que Lorenz et moi jouions, chantions, dessinions ou poussions les billes du billard sur le tapis vert lorsque le mauvais temps nous confinait à l'intérieur. Un jour que je dessinais la façade du vieux château, je remarquai un détail étrange, se rapportant aux appartements de M. Thomas. Ces appartements étaient situés à l'angle de la maison et étaient éclairés par 6 fenêtres. Je fus surprise de voir que toutes ces fenêtres avaient des carreaux dépolis. J'en demandai la raison à Lorenz. « Mais je pense que l'éclat du jour faisait mal à M. Thomas, » me dit-il, « et mon père, qui est le meilleur être de la création, a fait poser les carreaux opaques que vous voyez. Y a-t-il longtemps que l'on a fait ce changement ? J'avais alors environ 6 ans. Mes souvenirs à ce sujet sont assez confus, et peut-être ne me rappellerai-je rien sans d'une certaine circonstance. Je me promenais à cheval un matin sur mon poney des Shetland, lorsque mon attention fut attirée par la vue d'un enfant qui regardait à travers l'une de ses fenêtres. J'étais trop éloigné pour distinguer son visage, mais il me parut avoir mon âge. Il me fit signe d'approcher, et je dirigeais déjà mon cheval de son côté pour répondre à son invitation lorsque ma sœur Lucie parut à la fenêtre et entraîna l'enfant. Je suppose que c'était l'enfant de quelqu'un qui soignait M. Thomas et qui avait pénétré inaperçu dans la chambre du malade. Je ne l'avais jamais revu depuis, et le lendemain, un vitrier d'York vint faire le changement que vous remarquez aux fenêtres. Mais il faut que M. Thomas ait de l'air. Je suppose que les croisées sont quelquefois ouvertes, dis-je. Jamais. Elles ont tout un seul carreau qui s'ouvre pour la ventilation intérieure, comme dans ce moment-ci. Je ne puis m'empêcher de plaindre ce pauvre homme, ajoutai-je après une pause, privé presque de la lumière du ciel à cause de ses infirmités, éloigné de toute société. Il n'en est point tout à fait ainsi, répondit Lorenz. Personne ne sait toutes les heures que ma sœur Lucie consacre à son pauvre malade. Peut-être est-ce un homme studieux, et trouve-t-il des consolations au sein des lettres et des sciences, dis-je. Lit-il beaucoup? Je ne pense pas. Je n'ai jamais entendu dire qu'on lui procura des livres. Mais, poursuivis-je, il y a une chose qui m'embarrasse. Lorenz, votre sœur, parlait de lui comme d'un jeune homme, et pourtant Madame Porson, la femme de charge, m'a dit qu'il habitait à Fernwood depuis plus de 20 ans. Quant à cela, répondit négligemment Lorenz, Lucie, l'ayant vu arriver ici jeune, continue par habitude à se le représenter encore ainsi. Mais de grâce, Isabelle, ma petite curieuse, ne vous tourmentez point l'esprit par rapport à notre pauvre parent. Pour parler franchement, je suis tellement habitué à ne pas le voir que j'ai cessé de penser à lui. Je rencontre quelquefois dans la galerie une hideuse vieille femme, vêtue de mérinos noir, et je sais que c'est la garde de M. Thomas. Ou bien j'aperçois un homme à la figure grave et solennelle, et je suis également sûr que c'est le domestique de M. Thomas, James Beck, qui a blanchi au service de son maître. Lorsque je vois le docteur quitter Fernwood sur son petit cheval brun, je suis certain qu'il vient de prendre des nouvelles de la santé de M. Thomas. Si ma sœur me laisse seule pendant une heure après le dîner, je sais qu'elle est dans l'aile gauche du château à causer avec M. Thomas. Mais comme jamais personne ne m'appelle pour faire quelque chose pour ce pauvre homme, je ne m'en occupe pas davantage. Je sentis que ces mots étaient comme un reproche adressé à ma curiosité, qui pouvait paraître inconvenante. Et cependant, l'indifférence des manières de Lorenz me choquait. Ce bon et joyeux garçon que j'aimais si tendrement, était-il égoïste, insouciant aux maux des autres ? Non. Ce n'était point ce sentiment qui lui dictait ces paroles inconsidérées. Il était d'une impossibilité matérielle pour celui dont la nature n'était qu'animation, vigueur et mouvement, de comprendre un seul instant les terreurs du malade renfermé dans ses sombres appartements pendant ses journées solitaires. Il y avait presque un mois que j'étais à Fernwood, lorsque, pour la première fois depuis notre arrivée, Lawrence nous quitta. Un de ses anciens camarades de collège, lieutenant de l'armée, était caserné à York avec son régiment, et Lawrence avait promis d'aller dîner à la messe des officiers. Quoique j'eusse été la première à le presser d'accepter cette invitation, je ne pus m'empêcher de me sentir triste et abattu lorsque je le vis s'éloigner et descendre l'avenue en pensant qu'il nous fallait passer une longue soirée d'automne sans lui. Malgré tous mes efforts, le temps me pesait horriblement. Le coucher du soleil de septembre était magnifique, et Lucie et moi nous nous promenions sur la terrasse, tandis que M. Wendale s'endormait dans son fauteuil, ma tante et Lady Adela échangeant quelques monosyllabes assises près du feu qu'on allumait toujours dans la soirée. J'essayais en vain d'écouter la conversation de Lucie. Mes idées s'égaraient malgré moi, tantôt allant vers Lawrence, à table dans la salle brillamment éclairée au milieu de ces jeunes officiers déjà blasés et poussant des éclats de rire joyeux, tantôt, pour faire contraste, se reportant vers les sombres appartements de l'aile gauche dans lesquels le malade comptait les longues heures, puis ensuite prévoyant l'avenir sombre qui, au bout de quelques années, par la mort de notre hôte épuisé, nous rendrait, Lawrence et moi, maître et maîtresse de Fernwood. J'avais souvent essayé de me représenter ce lieu tel qu'il serait lorsqu'il appartiendrait à Lawrence et que les architectes et les jardiniers y auraient mis la main, mais je ne pouvais me l'imaginer sous un autre aspect que celui qu'il avait avec ses longues traînées de lierre pendant sur les murs dévorés par la mousse et ses étangs d'eau stagnante cachés derrière les buissons. Nous devions nous marier, Lawrence et moi, au printemps suivant. Il atteignait sa majorité en février, et de mon côté, j'aurai 20 ans en mars. Il y avait 1 an à peine de différence entre nous deux, et nous étions beaucoup trop jeunes pour nous unir, comme disait ma tante. Après avoir pris le thé, Lucie et moi chantâmes et jouâmes. Que la musique me parut triste ce soir-là. Je crus que ma voix et le piano n'étaient pas plus justes l'un que l'autre, et je laissai la Lucie au beau milieu de notre duo favori. Je pris 20 volumes placés sur la table du salon, dans le seul but de les rejeter avec ennui. Jamais les romans de Lady Adela ne m'avaient paru si stupides. Jamais la conversation de ma tante ne m'avait semblé si fatigante. Je jetai les yeux de ma montre à la vieille pendule placée sur la cheminée au moins 12 fois, pour m'apercevoir qu'il était à peine 10 heures. Lawrence avait promis de rentrer à 11 heures et nous avait prié, Lucie et moi, de l'attendre. 11 heures sonnèrent enfin, mais Lawrence n'avait pas tenu sa promesse. Ma tante et Lady Adela se levèrent pour allumer leurs bougies. Monsieur Wendale se retirait toujours un peu après 9 heures. J'insistais pour obtenir une demi-heure de plus, et Lucie était trop complaisante pour ne pas me l'accorder tout de suite. « Isabelle a raison, dit-elle. Lawrence est un enfant gâté. Vous savez, maman, et il sera très blessé s'il ne trouve personne pour écouter la description de son dîner d'officier. »« Pas plus d'une demi-heure alors, jeune fille, dit ma tante. Je ne puis permettre que vous abîmiez votre teint pour des gens dissipés, qui font 20 000 en voiture pour assister à un dîner d'officier. Une demi-heure, pas un instant de plus, ou bien je descendrai vous gronder toutes les deux. » Nous promîmes d'être obéissantes, et ma tante nous laissa, Lucie et moi. Nous nous assîmes de chaque côté du feu qui s'éteignait et brûlait tristement. J'étais trop abattu pour causer, et je restais immobile, écoutant le tic-tac de la pendule ou la chute d'un morceau de charbon sur le cendrier en acier poli. Alors la pensée qui vient à tous ceux qui attendent s'empara de moi. Si quelque chose était arrivé à Lawrence, je me dirigeais vers l'une des fenêtres et j'ouvris un des lourds volets. La nuit était magnifique, claire. Malgré l'absence de la lune, des milliers d'étoiles brillaient dans un ciel sans nuages. Je restai à la fenêtre quelque temps, écoutant si j'entendrais le bruit des roues et si je verrais briller les lanternes du phaéton. Moi aussi j'étais une enfant gâtée. La vie avait été pour moi brillante et douce, et la moindre idée d'un chagrin ou d'un danger pour ceux que j'aimais me remplissait de crainte. Je me tournai vivement du côté de Lucie et je criai « Lucie, Lucie, je commence à avoir peur. Je suppose que quelque chose doit être arrivé à Lawrence. Ses cheveux sont si sauvages et si emportés quelquefois. » Il a peut-être pris quelques verres de vin, et il a remis les guides au groom, et... » Elle s'avança vers moi et me prit dans ses bras, tout à fait comme si j'eusse été un petit enfant. « Ma bien-aimée, dit-elle, ma bien-aimée Isabelle, il ne faut point vous tourmenter avec de telles idées. Il n'est en retard que d'une demi-heure, et quand au danger il est sous l'égide de la Providence, et sans sa protection, ceux que nous aimons ne sont jamais en sûreté, même un seul moment. » Son attitude tranquille calma mon agitation. Je quittai la fenêtre et retournai toute tremblante vers le feu qui se mourait. « Il est près de minuit moins un quart à présent, chère Isabelle, » me dit-elle un peu après. « Il nous faut tenir notre promesse. Quant à Lorenz, vous entendrez sa voiture entrer avant de vous endormir. » « Je ne m'endormirai pas avant de l'avoir entendu, » repris-je en lui souhaitant une bonne nuit. Je ne pus m'empêcher d'écouter si j'entendrais le bruit si désiré des roues de la voiture pendant que je traversais le vestibule en montant l'escalier supérieur. Je m'arrêtai dans le corridor pour regarder dans la chambre de ma tante, mais elle dormait profondément et je refermai la porte aussi doucement que je l'avais ouverte. Ce fut en quittant cette chambre que, jetant un regard vers le fond du corridor, je fus étonné de voir une lumière dans ma propre chambre à coucher. Je m'attendais bien à y trouver du feu, mais la lumière qui s'échappait par l'entrebâillement de la porte était plus brillante que la lueur du foyer. Je m'étais jointe à Lorenz pour rire de l'histoire du revenant, mais ma première idée en voyant cette lumière fut de me représenter l'ombre de l'infortunée Lady Sibyl. Quoi, si j'allais la trouver accroupie sur mon foyer? J'eus presque l'idée de retourner vers la chambre de ma tante, de l'éveiller et de lui raconter mes terreurs, mais un moment de réflexion me rendit honteuse de ma poltronnerie. Je m'avançai et poussai la porte de ma chambre. Il n'y avait pas de pâle fantôme grelottant au-dessus de mon âtre. Il y avait un chandelier d'argent de forme antique posé sur la table, et Lorenz, mon fiancé, était assis auprès du feu qui flambait, n'ayant plus son costume de soirée, mais entortillé dans une ample robe de chambre en laine grise et coiffé d'un bonnet grec en velours noir recouvrant sa blonde chevelure. Sans m'arrêter à réfléchir sur l'étrangeté de sa présence dans ma chambre, sans m'étonner de ce qu'il était rentré à la maison incognito, sans aucune autre idée que celle de la joie de le revoir encore, je courus vers lui en m'écriant « Lorenz, Lorenz, que je suis heureuse que vous soyez revenu !» Lui, Lorenz, mon fiancé, comme je le croyais, cet homme, cette horrible vision, cet être affreux. Il se leva de sa chaise et, arrachant quelques papiers qui étaient épars sur la table, les roula en les froissant dans sa puissante main, puis, faisant une boule, d'un geste plein de fierté, il les lança à mes pieds et poussa un éclat de rire discordant et aigre qui semblait un écho moqueur du joyeux rire que j'aimais tant, et il sortit par la porte qui ouvrait sur la galerie. J'essayai de jeter un cri, mais en vain. Mes lèvres et ma gorge étaient sèches et incapables de produire un son. Les panneaux en chêne tourbillonnèrent devant mes yeux. Les murs et le plafond parurent vouloir se resserrer comme pour m'écraser. Je tombai lourdement sur le plancher, mais en tombant, j'entendis le bruit des roues du phaéton dans la cour et la voix de Lorenz qui appelait les domestiques.